Bonjour à toutes et à tous, voici donc la troisième séquence du cours sur l'économie du web. Après le positionnement du cours, après le repérage des particularités économiques de son objet, nous allons aborder dans cette séquence les origines socio-économiques du web en le plaçant d'abord dans l'histoire longue des médias et bien sûr ensuite dans celle beaucoup plus courte et paradoxale du web lui-même. Cette fois-ci, nous irons picorer dans de nombreuses ressources disponibles sur le web pour élargir notre point de vue, et nous terminerons même par une discussion avec l'inventeur du web, Sir Tim Berners-Lee. Je suis enchanté de la qualité de vos remarques et de la qualité du débat. Nous entrons aujourd'hui dans des sujets sur lesquels la controverse va bon train. De quoi donc inspirer encore vos échanges? Pour les apprenants, vous l'avez vu, Mélissa et Amandine nous ont rejoints. Elles sont là pour vous aider à formuler vos idées et peut-être aussi pour vous inciter à faire le premier pas si vous ne l'avez pas encore fait pour entrer dans les discussions. Au plaisir donc de lire encore une fois vos contributions.